Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG. Et aujourd'hui, troisième volet de notre série consacrée au festival Les Courants BD, l'incontournable rendez-vous BD de Saint-Ouen-les-Vignes. Et aujourd'hui, c'est un intermède entre les bulles que nous vous proposons pour laisser place aux décibels, car dans cet épisode, on vous partage l'interview du groupe Les Survoltés, venus mettre le feu à la scène le samedi soir avec leur énergie rock sans concession. Un super show en live au cœur du festival qui aura fait danser les amateurs de BD et de bons riffs. Le festival BD qui prouve une fois encore sa richesse et sa capacité à réunir les arts. On écoute. Nous sommes toujours bien évidemment en direct du site des Courants BD, 18e du nom. Et nous retrouvons les garçons des Survoltés. Ils sont chauds, ils viennent de balancer. Là, on les a attrapés au vol. Alors, on est en compagnie de Arnaud, Yann, Arnaud numéro 2 et David. Bonjour les garçons. Bonjour. Oh, c'est bonjour joli ce bonjour en cœur. On voit qu'il y a une harmonie qui vraiment transparaît dans le micro. C'est l'ADN du groupe, c'est vrai. On a vraiment cette énergie qui nous relie tous les quatre. Alors, ça s'est passé comment la rencontre des Survoltés qui avant étaient d'ailleurs les Infiltrés ? C'est passé il y a 2 ans et demi, puisqu'on a rencontré Yann, et avec Yann, on a tout de suite eu le coup de foudre. Et depuis 2 ans et demi, on enchaîne les concerts, et on a vraiment trouvé une personne formidable, et avec laquelle on s'entend très bien, et on est devenu une bande de copains. Franchement, on est vraiment bien ensemble. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas professionnel. On joue en tant qu'association, on est des amateurs un peu confirmés, mais on joue en tant qu'association. Et on a vraiment une énergie commune, ce que je disais au début, on est dans une mouvance où notre credo c'est vraiment l'énergie, vous allez le voir sur le concert ce soir. On essaye d'emmener les foules, d'emmener les gens, de partager des moments avec des publics qui nous répondent, c'est vraiment ça qui est sympa. On a ce côté partage et puissant sur des titres qui sont aussi bien de la compo, ce qui fait de nous un groupe, que des reprises pop-rock des années 80 jusqu'à 2000. Et ça, c'est un univers musical qui vous rassemble, c'est-à-dire que vous êtes tous plutôt branchés rock, on sent quand même une grosse influence rock, effectivement, dans vos... Oui. On a pu entendre un petit peu les balances tout à l'heure, un peu de loin, mais ouais, c'est un truc qui fédère chez vous. C'est ça. En fait, notre volonté, c'est lorsque on est en concert, c'est de faire plaisir aux gens, et on trouve rien de mieux que de jouer les morceaux qu'ils aiment, plutôt que jouer pour nous-mêmes. C'est ça. On aurait pu avoir le choix de reprendre des morceaux qui soient un petit peu secondaires sur des groupes très connus, mais on a choisi de faire des titres très connus, un peu à notre façon, voilà. Mais vraiment faire des titres que les gens attendent, avec des parties qu'ils attendent, comme les solos, comme certaines versions de chant. Il y a des choses qu'ils peuvent attendre et qu'ils auront. Alors, on n'a pas commencé réellement par le début, là, cette interview-là. Parce qu'en fait, j'ai dit vos prénoms, mais je veux bien savoir qu'est-ce que vous faites quand même. C'est quoi votre instrument ? On a beaucoup parlé d'Yann, qui apparemment a l'air d'être un pilier qui est fédérateur. Alors, c'est Yann, c'est le batteur, du coup, donc c'est lui qui donne le tempo un peu. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de lead, pour les non dans le... les amis, c'est gentil. Alors, bien près du micro, les garçons, je vais vous embêter, mais qu'on vous entende le mieux possible. Ouais. Alors, je ne chante pas, j'ai pas l'habitude du micro, c'est pour ça. Mais effectivement, oui, je donne le rythme avec Arnaud aussi, numéro 2, puisque voilà, il est baptisé comme ça à la radio, qui est donc le bassiste. Voilà, on est la section rythmique tous les deux, voilà, effectivement. Très bien. Alors, on a également Arnaud qui est guitariste et chanteur. C'est ça. Alors, à l'origine, j'étais pas le chanteur du groupe. Hein. Ils m'ont un peu forcé la main. Oh. J'ai trouvé un peu une vocation parce que j'ai toujours chanté, mais pour la famille, pour les amis. Mm-hmm. Et le fait de passer devant le public, ça amène autre chose que la guitare. La guitare, c'est mon instrument fétiche. Ça fait plus de 40 ans que je joue de la guitare. Et c'est toujours un plaisir. J'ai une formation classique à la base, mais le chant est beaucoup plus naturel, je trouve. On a une vraie réponse immédiate avec le public quand on chante et qu'on peut transmettre, faire réagir les gens, les faire bouger, les faire taper des mains. Avec une guitare, c'est un petit peu plus difficile, en tout cas pour moi. C'est clair que Arnaud, on compte beaucoup sur lui pour faire réagir le public, puisqu'il n'est pas toujours prêt à faire des choses. Et quand on essaye de le solliciter, et il le fait très bien, les concerts, ils changent un petit peu de physionomie et tout de suite, on partage tous ensemble et c'est plutôt pas mal. Mmh. Donc là, c'était David, guitariste. C'était David, guitariste. Et alors, est-ce que vous avez des petites habitudes avant de monter sur scène, des petites choses qui sont un peu ritualisées ? Est-ce que les Survoltés ont une espèce de gris-gris ou de trucs marrants à partager avec vous ? On fait un câlin. On fait un câlin. Ah, Alors c'est pourquoi? C'est pour harmoniser vos c'est énergies. Voilà, c'est un partage d'énergie. C'est notre câlin de groupe, comme ça on est bien. Impeccable. On est raccord, on est synchro et on peut démarrer tranquillement. On a tous les mêmes charges électriques, comme ça on est prêt à initier le logo des survoltés, qui est un éclair évidemment, c'est complètement logique. Ouais. Pour donner un maximum d'énergie au public, bien entendu. Et alors, en termes de production, vous avez un EP, un album, vous en êtes où au niveau de ça? Alors, on a sur notre site Facebook, on peut voir... Bien dans le micro, excusez-moi. On a fait un clip sur un cover, c'est-à-dire un morceau qu'on a réadapté à notre sauce qui s'appelle Human. Donc, il est visible sur notre site Facebook, Les Survoltés, le groupe. Et il est aussi sur YouTube. D'accord. Et on a... À l'heure actuelle, trois compos qu'on fait régulièrement sur nos concerts, voilà, enfin à chaque fois, qui pour l'instant ne sont pas encore dans les bacs. Tout à l'heure, on a écouté un titre, Ouverture, et d'ailleurs, c'est David qui est venu me voir, je crois, à ce moment-là, qui m'a dit nous, on vient d'arriver, il paraît que vous avez passé notre musique. C'est moi, je suis la pleureuse. Alors, Ouverture, c'est le titre qui est passé sur les ondes, il a une histoire ce titre. Arnaud, je te laisse en parler. Oui, il a une histoire, c'est marrant. Comme je le disais, j'ai une formation classique au départ. J'avais écrit un morceau qui était plutôt une balade. On était vraiment sur un morceau calme, avec un texte qui raconte l'histoire d'un fan. Et David a collé dessus, en respectant les accords qui initialement étaient dans le morceau. Il a collé une rythmique complètement différente de ce que j'avais écrit. Ça a changé la physionomie du morceau et ça en a fait ce que vous avez diffusé, qui est un morceau plutôt pop-rock, qui colle beaucoup plus à ce que sont les survoltés aujourd'hui. Et c'est vraiment une compo commune, on est sur quelque chose, voilà, chacun amène sa touche, chacun a écrit sa partie. C'est une vraie collaboration, quoi, entre nous. On est tous créateurs de ce morceau. C'est un vrai plaisir d'avoir fait ça avec les gars, c'était très cool. Et là, vous êtes présent sur le Festival BD. Ça s'est fait comment, votre venue? Vous connaissiez quelqu'un? C'est Jean-Luc, notre Jean-Luc, évidemment, qui organise tout le plateau artistique musical sur la BD, qui programme tout ça. C'est lui qui vous a contacté? C'est vous qui avez sollicité? Ça s'est fait comment? Alors là, je vais reprendre du coup le pas. En fait, donc là, c'est Arnaud, le bassiste. Voilà, on est musicien en famille. Et en fait, le groupe d'avant qui joue, c'est mon frère. Oh. Et c'est comme ça qu'on a connu le festival et qu'on a postulé pour pouvoir jouer aussi. D'accord, ah ouais, donc il y a là une combinaison qui est super. Donc vous allez être là évidemment pour le concert de Rochrode. Ah forcément. Oui, évidemment. On en a prévu de s'absenter. Évidemment, on va être présent, on va les écouter, on va les découvrir. Mais on a vu les balances, ils ont l'air d'avoir aussi une belle énergie. Mm-hmm. Ça a l'air vraiment pas mal. Oui, une question que j'aime beaucoup poser à chaque fois aux musiciens que je reçois en interview, parce qu'on est parfois surpris, mais est-ce que vous avez un petit plaisir coupable en matière de musique? Voilà, un titre que vous assumez pas forcément, mais vous savez pas pourquoi vous l'aimez, ce titre-là, et vous pouvez l'écouter dans votre voiture tout seul. Ah là, vous nous demandez d'aller un petit peu dans l'intime, là. Alors, vous êtes pas obligé de répondre. Moi, j'adore Céline Dion. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je revendique, parce que c'est pas vraiment dans le style pop-rock que je véhicule, mais... Vous le saviez, les autres, qu'il écoutait un peu de Céline? On en a joué déjà un peu, parce qu'il y a une époque, on avait une chanteuse et on avait déjà joué du Céline Dion. Donc. D'accord. Ok. Yann? Moi, j'aime tout, que ça soit du rock, de la pop, du jazz, j'aime tout, donc même du français, du Céline Dion, j'aime beaucoup, Juliette Armanet, n'importe... Non, j'ai pas de... C'est bonne patte, c'est tout à fait... Voilà. Non, j'aime tout. Vous pouvez l'emmener à n'importe quelle soirée, il va s'éclater. Exactement. C'est parfait. C'est ça. Ok. Très bien, Arnaud et David. Moi, j'aime tout aussi, mais c'est vrai que j'ai grandi au Jodassin, donc de temps en temps, j'aime bien écouter ça. Vous voyez, ça, c'est des pépites, ça, je trouve ça magnifique. C'est l'Amérique. Et pour toi, du coup, David? Moi, j'aime bien tout aussi. Après, c'est pas un plaisir coupable. Moi, je suis le premier CD que j'ai acheté, 33 tours, c'était Dire Straits. Et je suis resté bloqué là-dessus un bout de temps. Et j'avoue que bien écouter ça. Ça, c'est classe. Pendant un certain temps tout seul. Bon, nous, on s'attendait à ce que tu nous parles d'un Patrick Sébastien ou d'un truc. Mais non, on est musicien. On est musicien. Et toi? C'est vrai que je me suis jamais posé la question à moi-même. Je me rends compte là qu'en fait je pose des questions difficiles parce que je suis à peu près incapable de vous le dire. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a des Survoltés, c'est bon. Oh, je peux vous dire ce que je n'aime pas du tout, c'est l'électro, par exemple. Ok. Des petites touches d'électro, parfois ça peut passer dans certaines choses, mais trop électro, genre rave party, la dance, les trucs comme ça, je suis assez hermétique à ça. Voilà. C'est j'ai spécifique. Pas tout à fait répondu, mais bon, c'est un petit peu dans la veine. Et là, ce festival BD, est-ce que vous aimez la BD? Est-ce que vous avez découvert, vous avez eu le temps de regarder un petit peu par-ci par-là des stands? Il y a des auteurs qui vous plaisent? Vous avez un rapport à la BD? Il y en a un qui dit non. Alors, direct, on va pas dire lequel. J'aime beaucoup la BD, j'en ai beaucoup lu, j'en ai pas mal. Et mon auteur culte à l'époque, mais parce qu'il n'existe plus, c'était Gottlieb. Ah oui. Ah oui, ça c'est vrai. Les dingos dossiers, j'étais dingue de ça. Ouais, c'est vrai que c'est très rigolo en plus. Bien alors, dessiné et très rigolo. Je trouve que il me semble que le terme BD, il a changé d'ailleurs dernièrement. Il parle de roman graphique pour parler de bande dessinée. Et je trouve, alors la BD, ça raconte des histoires et j'adore les histoires évidemment. Et c'est ça qui est formidable toujours dans le partage. Et ce festival amène de la vie. Il y a des gens que j'ai reconnus, effectivement. Je me souviens pas des noms, malheureusement, mais il y a des gens que j'ai reconnus. Moi, je suis plus manga. Ah oui ? J'aime assez le manga. J'aime cette créativité qui existe dans le manga, dans les réflexions qu'il y a autour. Après, je lis pas le japonais. Bon, après, il est gaucher, hein, ça explique les choses. Vrai. C'est vrai. Ok, et ce site, alors, il vous inspire ? Vous pensez que ça va être un super beau concert, là, ce soir, ici ? Il n'y a pas de raison, hein. Franchement, on est bien là, on est à Londres. Il va y avoir plein de moustiques d'ici peu, mais on va être super bien. Mais non, il ne faut pas les appeler. Non, le site est super beau, c'est ombragé, c'est top. Il y a une belle scène, très ombragée, il y a des tables, il y a de quoi manger, il y a de quoi découvrir la BD, discuter avec les auteurs, et ça, c'est pas partout. Ouais. C'est vraiment sympa de faire ça. On est quand même privilégié, je pense, de pouvoir participer à ce genre d'événement. Et merci de l'organiser parce que c'est, j'imagine, beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de boulot, effectivement, depuis 18 ans. Oui. Vous jouez à 20h ce soir, donc on donne rendez-vous évidemment à tous les auditeurs qui sont branchés sur Radioactive pour venir vous découvrir. Alors, comme vous le soulignez, il y a possibilité de se restaurer sur place, de venir flâner sur ce site champêtre, de rencontrer des auteurs, de demander des dédicaces. Est-ce que vous ferez des signatures, vous aussi ? Si on nous en demande. On n'en est pas là, mais ce sera grand plaisir. Si on nous en demande, avec plaisir. On a des cartes de visite, si vous voulez. Il y a des projets à suivre, d'autres dates où on pourra vous retrouver? Alors ça, c'est David qui va gérer tout ça. C'est notre producteur. Alors oui, il y a d'autres dates qui sont prévues. Après, on fait aussi des soirées privées. On a déjà fait pour entreprises, pour particuliers. Alors je sais que fin août, on va jouer à la guinguette de Montbazon. Mmh, d'accord. Et puis après, on a d'autres concerts prévus en septembre et en novembre. Okay. Bon, après, tout ça, c'est maintenu à jour sur notre site Facebook. Ok, donc c'est là qu'on peut aller mettre des petits pouces bleus, des partages. Voilà, des commentaires positifs. Évidemment. Pas de problème. Évidemment. Vous pouvez même nous suivre. C'est encore mieux. C'est l'avantage. C'est encore mieux. Et oui. Et d'ailleurs, tous ceux qui iront sur votre page Facebook pourront également passer sur la nôtre parce que le podcast sera disponible pour réécouter cette interview. C'est donc génial. Là, si vous avez des messages à passer, des trucs importants à dire, c'est le moment. C'est génial. Les survolter le groupe sur Facebook, c'est facile à retrouver. Et puis, je ne sais pas si sur le podcast, on voit des images, mais il y a le logo de notre groupe qui est assez facilement repérable. C'est le signe du Volt V-barré, donc on le retrouve facilement. Super. Eh ben c'est parfait. Un petit mot pour les auditeurs de Radioactive. Bravo d'écouter Radioactive. Merci d'être là et merci à Radioactive de nous avoir accueillis. C'était vraiment un plaisir. Merci Marlène. Merci beaucoup. Merci. Et puis venez nombreux. Merci Arnaud. Merci Yann. Merci Arnaud et merci David. Alors je vais me tourner vers Vincent parce que tout à l'heure effectivement on a pu écouter le morceau Ouverture. Et maintenant qu'on vous a écouté, maintenant qu'on vous connaît super bien tous les quatre, on a envie de réécouter Ouverture. Est-ce que c'est possible en technique? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, merveilleux. Eh ben c'est parti, on vous écoute.